بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا بحول الله جل وعلا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل هذه الحلقات في ميزان الحسنات يوم القيامة وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وقالوا صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه ثم قال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعاديهم ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع بالخلوات والانقطاع ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس ورأى هؤلاء أن تفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة هذا كلام المصنف في الصنف الثالث في الصنف الثالث ثم ذكر الصنف الرابع وسوف يأتي الكلام بحول الله جل وعلا في الصنف الرابع بعد إكمال دراسة الصنف الثالث إذن donc on s'est arrêté dans la dernière assise sur la parole de l'auteur toujours concernant la troisième catégorie toujours concernant la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est ceux qui considèrent que la meilleure adoration, c'est lorsque le profit n'est pas seulement lié à soi-même, mais il y a un profit pour autrui. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement celui qui accomplit l'adoration, qui profite du bienfait de l'adoration, mais autrui aussi, autre que lui, autre que le dévot, autre que l'adorateur, profite aussi du bienfait de cette adoration. C'est pour cela qu'on appelle ça un naf muta'addi. Un naf muta'addi. C'est lorsque le profit aussi touche autrui. Et pour cela, l'auteur il dit dans Sinf al-Thalith, lorsqu'il dit قالوا عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير فإن أحدهما من الآخر ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب كما قال Donc hier on s'est arrêté lorsque l'auteur a fait allusion au récit célèbre lorsqu'il est dit إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله Il l'a min thalath. Lorsque l'individu meurt, toutes ses œuvres vont s'interrompre, sauf trois choses. Wa sahibu naf' la yanqati'u 'amaluhu ma dama naf'uhu alladhi tasabbaba fihi. Tandis que celui dont dans son adoration il y a profit pour autrui aussi, alors le bien de cette adoration ne s'arrête point et ne va pas s'interrompre dans le sens. Et donc dans la dernière assise d'hier, on avait terminé notre assise avec un immense rappel, une très belle faïda sur la question, lorsque l'auteur de Ifadat al-Mustafid, dans l'explication du récit, puisque l'auteur ici fait allusion au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ida mat al-insanu in qata anhu amaluh illa min thalath, illa min sadaqatin jariya, wa ilmin yuntafa'u bih, aw waladun salihin yad'ula. » Et donc l'auteur fait allusion à ce récit. Et on avait terminé notre assise sur l'explication, une très belle explication et faïda que donne l'auteur de Ifadat al-Mustafid en disant wa afdalu hadhihi thalath huwa al-ilm, que le meilleur de ces trois c'est l'ilm. C'est l'ilm pourquoi? لأن الولد يموت وإن تأخر عن أبيه ودعا له ولكنه يموت وكذلك الوقف يمكن أن يتعطل وقد يذهب وأما العلم فإنه يبقى ينتفع به أجيال وأجيال ويبقى نفعه لصاحبه دائما مستمرا فالعلم أفضل شيء فالعلم أفضل شيء انتهى كلامه حفظه الله تعالى. Et donc ça c'était une très belle faïda concernant le hadith. On continue. Ensuite l'auteur il dit, donc cette tendance-là, la troisième tendance que cite l'auteur, c'est concernant quelle est la meilleure adoration. Alors dans cette troisième, on pourrait dire conception, il considère, comme on l'a dit dans l'assise précédente, avant d'arriver à la quatrième tendance et la quatrième conception, il considère que la meilleure adoration, c'est celle dont il y a profit pour autrui. Et ce n'est pas seulement le dévot et l'adorateur qui profitent des bienfaits et des utilités et des bénéfices de celle-ci, mais autrui profite, comme sahibu ilm, comme celui qui a la connaissance, et comme celui qui propage l'ilm, ou celui qui est dans l'entraide des pauvres, ou celui qui, par son rang, par ses biens, par sa notoriété par exemple, est dans l'aide d'autrui, il aide les autres. Donc ici, il se rapproche d'Allah par son adoration, mais du fait qu'il y a un bien pour autrui, il n'est pas le seul à bénéficier de l'utilité de cette œuvre bonne, alors beaucoup de savants considèrent que ça, c'est les meilleures adorations. Pourquoi ? Parce que comme on dit en arabe, « an-naf'un muta'addin », le bienfait outrepasse la personne elle-même, le dévot lui-même, mais ça profite à autrui. Et les savants disent que ça, c'est authentique. Les savants disent, dans l'explication de cela, que cela est authentique. Pour ça, l'auteur, regardez, parmi les arguments, il dit « wal-anbiya », selon cette catégorie-là. Il dit « wal-anbiya alayhim as-salatu was-salam innama bu'ithu bil-ihsan ila al-khalq wa hidayatihim wa naf'ihim fi ma'ashihim wa ma'adihim ». Il dit pour cela, en réalité, lorsqu'on observe « al-anbiya », ils ont été envoyés pourquoi ?« Al-anbiya », ils ont été envoyés comme miséricorde et bienfaisance pour les êtres et les créatures. Les prophètes ont été envoyés et les messagers ont été envoyés aux hommes, aux êtres, pour être bienfaisants envers eux. Wahidayatim, ils ont été envoyés pourquoi aussi ? Pour la guider des hommes. Donc vous voyez que le bien n'est pas lié aux prophètes et aux messagers eux-mêmes, mais c'est muta'addin. Ce bénéfice-là, cette utilité-là, elle est pour tous les hommes. Ils sont envoyés comme miséricorde pour les hommes et il y a un bénéfice pour autrui du fait qu'ils sont cause de guider et donc d'une utilité, d'un bénéfice qui est immense. Walidhalik, c'est pour cela que le bien des savants de la nation, le bien des ulama, eh ben, il est immense et ils dépassent leur propre personne. Ils sont une utilité pour autrui du fait qu'ils sont les héritiers des prophètes. Comme va dire le commentateur. لأن العلماء ورثة الأنبياء ويقومون مقام الأنبياء في نفع الناس. Et donc eux ils ont la même fonction par rapport à cet aspect-là. Les savants sont héritiers des prophètes parce que selon cet aspect-là et cette considération-là, ils ont la même fonction que les prophètes, de sorte qu'ils sont profitables pour autrui et sont profitables pour les autres. Puisqu'hier on avait donné des exemples. Le malheur, le grand malheur, c'est d'adorer le Créateur avec ignorance. On avait donné des exemples à cela dans la dernière assise. Combien de gens adorent le Créateur ? Ça y est, des générations, même jusqu'à aujourd'hui, on a dit des gens, vraiment, lorsque vous regardez leur motivation dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, nous, à contempler, observer notre manière d'adorer, on aurait honte. Ils prient la nuit, ils jeûnent la journée, ils sont en constante invocation et évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, immensément fervent dans l'adoration. Mais malheureusement, ils n'ont pas accordé d'importance au savoir et à la science. Et on a même dit une certaine catégorie de dévots, pieux, surtout les gens du tasawwuf, du soufisme, qui sont des fervents adorateurs du Créateur, subhanahu wa ta'ala, mais du fait qu'ils ont été trompés par le shaitan, ne pas accorder d'attention au savoir. Dans même certaines générations, ils ont même considéré que accorder de l'attention au savoir, ou à halaqat al-ilm, c'était une choubha. C'est une ambiguïté. Pour eux, par exemple, ils étaient dans des cercles de dhikr, d'évocation d'Allah, où ils faisaient la glorification d'Allah, ils faisaient dhikr. Pour eux, se détourner de cela pour aller écouter des hadiths, ou pour apprendre cela, c'était une ambiguïté. C'était une ambiguïté. Pour cela, on a raconté hier cette histoire, et c'est Cheikh Abdelrazzaq Al-Abed qui la raconte de l'un de ses chirs, qui lui a raconté qu'un de ses chirs, après qu'il ait fait un voyage, il vit un homme toujours fils Zawiya, wa kana yusalli ala an-nabi toute la journée. Et il n'allait pas faire salat al-jama'a. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le nadr de rester à cet endroit. Et on avait lu des passages dans le livre de Ibn al-Jawzi, un très beau livre que je vous recommande de lire. Et d'ailleurs, fil Mounasaba, je vous lis un autre passage dans encore une petite réflexion de l'imam Ibn al-Jawzi, un livre immense, son livre Talbis Iblis, où il parle des ruses. Et donc le savoir est d'une immense importance. C'est pour cela qu'il faut adorer le Créateur, subhanahu wa ta'ala, mais notre souci à nous tous, c'est que notre adoration soit acceptée. Alors il y en a qui sont vraiment fervents, c'est même un rappel pour nous. Parce que souvent, on n'a pas cette ferveur dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que c'est sahib al-ilm, celui qui a un amour pour la science. Il faut faire attention aussi parce que shaitan aussi peut nous faire tomber dans d'autres pièges et d'autres filets. Un jour, lui-même, Cheikh Abdelrazzaq Al-Abed, il raconte, il dit un jour, il s'est rendu dans un quartier. Il avait visité un quartier, Hay, un endroit, et c'était waqt al-salah, c'était lors de la prière. Alors, il s'est rendu à la prière, à la mosquée. Et dans la mosquée de ce quartier, il a trouvé un homme âgé, qui était dans la mosquée. Un vieil homme. Alors il s'est adressé à lui, il a commencé à parler avec lui, et un dialogue s'est installé entre les deux. Il dit donc, après j'ai dit au shir, j'ai dit, le shir Abdelrazzaq, hafidallah, il dit, j'ai dit au vieil homme, je dis, mashallah, vous êtes dans un quartier que, mashallah, il y a beaucoup de tullab al-ilm. Parce que shir Abdelrazzaq, il disait, c'est un quartier où il y a beaucoup de tullab al-ilm, qui est connu, ce quartier-là, beaucoup de tullab al-ilm y habitent, et y vivent. Alors il a dit au vieux Ammi, il lui a dit, Mashallah, vous êtes dans un quartier, Allahumma barik, hein, où il y a beaucoup de tullab al-ilm. Et le cheikh l'a regardé, lorsque j'ai dit, le vieil homme, l'a regardé et lui a dit, il n'y a pas de bien en ceux qui n'assistent pas à la prière en commun. Il n'y a pas de bien. Et là, Cheikh Abdelrazzaq, il a compris qu'il veut dire, il y a tullab al-ilm. Même le cheikh, il lui a dit, ils sont où les tullab que tu me dis? Aïnahoum, ils sont où? Et c'est vrai, parfois, Shaitan nous dupe. On aime lire, on aime le ilm, et parfois, des tullab al-ilm, ils peuvent être chez eux, ils font le muzakarat, ils révisent, et yataladhadh bil mutala'a ou bil qira'a fil kutub. Et parfois, on est plongé dans un livre, surtout si vous lisez dans ilm al-fiqh, ou ilm al-aqida, ou ilm al-tariq. Dans l'histoire, vous êtes tellement plongé dedans, c'est waqt salah. Et la personne, il trouve tellement du plaisir et du délice dans sa lecture. Pour ceux vraiment qui connaissent ça, ils comprennent. Ils comprennent. C'est hadhihi, lorsque la personne il est plongée dans la lecture et dans ses recherches, wa khassatan wa la siyama fi ulum al-hadith aussi, dans la science du hadith ou dans l'histoire, là il voyage, il lit des livres qui datent de siècles. De grandes œuvres, il est tellement plongé dedans, il trouve un plaisir et un délice. Hana waqt as-salah. À ce moment-là, c'est l'heure de la prière. Il faut sortir. Il faut aller faire la prière. Et là, Shaitan, il peut venir. Ce que tu fais est plus important. Tu vas pas couper cela. Et des fois, il y a takhallaf. Ensuite, il va pas assister à la prière en jama'a. Car là, nous en préserve. Et ça veut dire que toute catégorie peut être trompée et dupée. Par Shaitan. Il faut que chacun soit vigilant. Personne n'est à l'abri des ruses d'Iblis. Personne n'est à l'abri. Comme dans les générations précédentes, il en a trompé beaucoup, comme certaines histoires qu'on a lues de Ibn al-Jawzi, à notre époque aussi. Et regardez, ils disent certains étaient tellement dévots, tellement ils étaient craintifs, ils craignaient leur créateur, ils étaient tellement fervents dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, Et vous savez, certains, ils ont vraiment atteint, c'est vrai, au niveau de la dévotion, au niveau du domaine de l'adoration, ils ont atteint des domaines de réflexion, ils ont atteint des domaines de concentration immenses. Certains, tellement qu'ils étaient dévots, ils étaient tellement emplis de crainte, dit Ibn al-Jawzi, et là c'est ces mots dans la traduction, qu'ils ne pouvaient lever les yeux au ciel par révérence et par pudeur. Tellement ils étaient craintifs, ils craignaient Allah Azza wa Jalla. Ils ne regardaient pas le ciel. Tellement ils avaient de la révérence. Tellement ils étaient craintifs du Créateur. Ils ne regardaient pas, ils ne pouvaient pas lever la tête au ciel. Pourtant, Ibn Jawzi dit, pourtant, il n'y a aucun mérite à cela, de ne pas regarder le ciel, par pudeur ou par crainte du Créateur. Regardez ce que va dire Ibn Jawzi. Personne ne peut prétendre rivaliser le prophète en matière d'humilité. Il dit, nous pouvons recenser chez Muslim, dans son livre As-Sahih, selon un propos prophétique rapporté par Abu Usama, le messager d'Allah levait souvent la tête en direction du ciel. Lui-même, le prophète, personne ne peut rivaliser avec lui, dit Ibn al-Jawzi, en matière d'humilité et de crainte du Créateur. Un Nabi Sassam kana atqan nas ou akhsha nas. Pourtant, il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim que le prophète Sassam levait la tête et regardait le ciel. Allah dans le Coran dit: Afalam yanzur ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha. Allah dit: Afalam yanzur ila as-sama'i. Ne regarde-t-il pas le ciel, comment nous l'avons bâti, une traduction relative, hein, et rapprochée du sens du verset, Fawqahum, au-dessus d'eux, Kaifa banaynaha, comment nous l'avons bâti. Et dans un autre verset, Allah Azzawajal, par exemple, dit, Qul inzuru madha fis samawati wal ard. Dis-leur, regardez ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Et donc Allah Azzawajal nous ordonne de contempler, d'observer la création, de regarder le ciel. Alors regardez. Ibn al-Jawzi dit ensuite, de tels arguments ne peuvent que fustiger les soufis sans mérite. L'un d'entre eux reste des années sans jamais lever la tête au ciel. S'il avait su qu'il est égal de lever ou non la tête en signe de pudeur envers Allah, il ne l'aurait certainement pas fait. Regardez ce qu'ils se sont imposés par crainte du Créateur. Toute sa vie. Il lève pas la tête et ne lève pas les yeux vers le ciel. Il regarde pas le ciel. Est-ce qu'il a une bonne intention? Il est bien intentionné. Il fait cela par crainte du Créateur, par pudeur. Et lui, il pense qu'il se rapproche d'Allah Azzawajal. On va même plus loin. Il attend même une récompense Yawm al-Qiyamah de cela. Mais pourtant, il est en train de s'imposer une chose, toute sa vie s'imposer une chose qu'Allah Azzawajal ne lui a pas imposée. Bien au contraire, il n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il n'y a pas de mérite à faire cela. Alors imaginez-vous, pourquoi je donne cet exemple dans le livre d'Ibn al-Jawzi, et son livre est mashallah, rempli d'exemples comme cela. Imaginez-vous, il rencontre un alim ou un talab al-ilm, cet homme-là. Peut-être ça fait 20-30 ans qu'il fait ça. Il lui rappelle les versets que lui-même doit connaître. Et lui dit, le prophète sansam était meilleur que toi. Et il levait les yeux au ciel. Toute sa vie, il va être apaisé. Ça, c'est un exemple. Sahib al-ilm. C'est pour ça que lorsqu'on est dans une séance, on trouve une tranquillité. C'est pour cela qu'on ne se rend pas compte, mais el-ulama, c'est comme la lune, comme on a dit dans le récit, par rapport aux autres étoiles. La lune, en pleine lune, elle est profitable pour les gens sur Terre, puisqu'ils s'illuminent de sa lumière. Tandis que les autres étoiles ne peuvent pas illuminer les gens sur Terre. Malgré qu'il y ait un bien dans ces étoiles, on a dit. Malgré que ces étoiles, elles sont une parure pour le ciel, elles sont une lapidation pour les démons. Et aussi, les voyageurs peuvent s'orienter par ces étoiles. Mais le bien est pour elles, il y a un bien, le bien n'est pas lié. C'est pour ça que le prophète, l'exemple, il est immense. Puisqu'il dit la comparaison entre le dévot a du bien, il adore Allah Azzawajal, et le savant, le dévot et le savant, c'est comme les étoiles et la lune, lorsqu'elle est pleine, la pleine lune. Le profit est immense. C'est pour ça que Un grand chir fait un grand rappel. Il dit la fonction des étudiants en science, de ceux qui apprennent l'ilm, est immense. Est immense. C'est pour cela que ceux qui, comme certains savants, je sais que ça fait du mal à certains d'entendre ça, mais certains savants le disent. Ceux qui sont trop dans l'exagération, dans la critique des autres, en Arabie, les savants de même laka, ils les appellent Qutta al-Turuq. Ce sont des brigands. Ils les appellent les brigands. Qutta al-Turuq. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui prêchent, qui enseignent aux gens l'ilm, et eux mettent en garde. Alors les savants, ils disent, ah, oulé, Qutta al-Turuq. Faut pas leur porter d'attention. C'est des brigands. Ils obstruent le chemin. Vous avez vu le Qutta al-Turuq, comme c'était à l'époque lorsqu'ils attaquaient les caravanes. Qutta al-Turuq, c'est ceux qui attaquent les voyageurs. Ils attaquaient les caravanes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils obstruent le chemin des gens. De ce fait, un grand savant d'Arabie a dit une très belle parole. Il dit aujourd'hui les hommes, les musulmans par exemple, sont combien maintenant? Des milliards. Il y a des milliards sur la planète, il y a des milliards de musulmans. Dans chaque contrée, on trouve des milliers donc de musulmans et des millions de musulmans. Sauf que les savants sont peu ou sont nombreux? Ils sont peu. Est-ce que les savants peuvent voyager dans le monde pour aller exhorter les musulmans du monde? Non. Donc c'est pour ça que les savants, ils disent à leurs élèves, votre fonction est grande et immense. Parce qu'il y a des millions de musulmans, des milliers de musulmans qui ont besoin de vous, des tullab al-ilm. Les ulama ne peuvent pas voyager dans toutes les contrées. Donc il faut des tullab al-ilm. Sauf que même les savants, ils disent, ces contrées maintenant, là, les populations dans chaque contrée commencent à être denses par rapport à avant. Les populations augmentent et le nombre de la population commence à s'accroître dans chaque contrée. Dans chaque contrée. Donc, les gens ont de plus en plus besoin d'imams, de talabat al-ilm, d'étudiants. Ils ont de plus en plus besoin de cela. Lakin aynahum ? Où sont-ils ? Puisque maintenant, les populations sont en train de s'accroître. Il y a beaucoup de gens. Les métropoles sont remplies. Lakin ayna tullab al-ilm ? Les ulamas ne peuvent pas visiter ces millions de musulmans et aller enseigner à ces millions de musulmans. Donc, qui est-ce qui va propager les enseignements? At-talabat al-ilm. Ahl al-khayr. Vous avez vu dans le verset, lorsqu'il est dit qu'une partie d'entre vous va voyager pour revenir pour aller enseigner à leur peuple. Ça, c'est très important. C'est pour cela que al-ilm, l'auteur ici fait un rappel immense à cela. C'est pour ça que les savants sont les héritiers des prophètes et des messagers. Regardez ce que dit aussi Ibn al-Jawzi. Au début, lorsqu'il dit, dans un titre, « Les ruses d'Iblis contre les soufis concernant leur humilité, leur hochement de tête et leur célébration du culte. » Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Quand la crainte pénètre le cœur, elle suppose qu'on fasse preuve d'humilité, dans les apparences, à tel point qu'on ne peut le cacher. » Il dit, tu peux dénoter dans le comportement, les bonnes manières, la dévotion et la modestie. À l'époque, il dit, ils faisaient tout leur possible pour ne pas montrer ce qui trahissait de leur aspect extérieur. Il dit à titre d'exemple, Mohammed ibn Sirin, le célèbre grand imam Mohammed ibn Sirin. Il dit, il se mettait à rire pendant la journée alors qu'il pleurait la nuit. Alors qu'il pleurait la nuit. Cela ne signifie pas encourager le savant à se familiariser avec la masse, pouvant leur porter atteinte. Dans ce contexte, il dit, il a été rapporté selon Ali, radiallahu ta'ala an, qui dit, quand la science est évoquée, contenez-vous à son égard et ne la mêlez pas de rire. Cela perturbe les cœurs. Regardez comment ils avaient le respect des ilm. De telles propensions, il dit, ne signifie nullement chercher à se faire montrer, les simples gens ne sont pas disposés à prendre en bien les gestes d'un savant, même si ce dernier se laisse aller dans les attitudes les plus licites. Il convient donc de se tenir dans un tel contexte avec silence et respect. Avec silence et respect. Néanmoins, il dit, il est blâmable de passer pour un pieux, en se forçant à pleurer ou en feintant de baisser ta tête pour montrer aux autres son athlétisme, tout disposé à se voir serrer la main, ou bien, et il continue jusqu'à ce qu'il dit, si l'on venait à lui, demander de prier en ferveur d'autrui, il se prédispose aux invocations de telle sorte qu'il donne l'impression d'être propice à se voir exaucer comme garantissant faire descendre lui-même la réponse. Nous avons déjà évoqué le mécontentement d'Ibrahim al-Nakhai quand il fut convié de faire des vœux pour certains gens, ce qu'il trouva très pénible. Et c'est que des exhortations comme cela. C'est vraiment des exhortations à méditer. Nouassil, on continue donc sur la suite de la parole de l'auteur. Qala, donc on va pouvoir passer à la quatrième, qui est très pertinente, catégorie. En terminant cette catégorie, l'auteur dit ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد والترك مخالطة الناس. Et avant de passer à la quatrième catégorie, là il y a un très bon rappel. C'est pour ça lorsque l'auteur a parlé du bienfait de l'envoi des prophètes et des messagers, et que les prophètes et les messagers sont venus comme miséricorde pour les hommes et bienfaisance pour les hommes, regardez, l'auteur va dire une parole très pertinente. Il faut se faire le rappel avant de passer à la quatrième catégorie. Il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé les gens, par exemple, qui se coupent des autres. Elle a dit non qata'u. Ils se coupent des autres, ils s'isolent pour se recueillir dans l'adoration. Et donc, ils délaissent mukhalatat an-nas. Ils délaissent le fait de se mélanger aux autres. Et ils restent seuls dans des coins. Et hier, on avait donné aussi, on avait lu un passage de livre aussi de Ibn al-Jawzi, lorsqu'il parle de ceux qui se sont coupés des autres et se sont éloignés dans des endroits reculés, dans des hautes montagnes, et ont vécu des vies comme des moines et des ermites. Et là, il y a une très belle explication de Sahib Kitab Ifadat al-Mustafid, où il va dire que parfois, quel est le meilleur ? Est-ce que c'est de côtoyer ou de s'isoler, se couper des gens. Donc parfois on a le choix, soit de se mélanger, et vous savez que celui qui se mélange et patiente sur le mal d'autrui est meilleur, comme il est dit dans le récit. Il y a même un verset, wa kadhalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun, et comme cela nous avons fait les uns des autres un trouble, une fitna, une tentation. Est-ce que vous patienterez ? Donc, comme il est dit dans le récit, côtoyer en patientant sur les préjudices des autres et les torts, c'est meilleur. Cette personne-là est meilleure. Mais il y a un bon appel de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Ifadat al-Mustafid. Il dit dans ce passage وَرَهَاوْلَا أَنَّ تَفَرُّغَ لِنَفْعِ الْخَلْقِ أَفْضَلْ مِنَ الْجَمْعِيَةِ عَلَى اللَّهِ بِدُونِ ذَلِكَ. Pourquoi ? Il va expliquer la parole de l'auteur lorsqu'il dit que cette troisième catégorie, eux donc considèrent qu'il est meilleur d'être cause d'utilité et de profit pour les autres, les nafr al-khalq afdal min al-jama'iyati 'ala Allah bidun dhalik, que jama'iyat al-qalb. Vous vous rappelez, dans des assises précédentes, on a parlé de Jama'at al-Qalb. Certains confréries, eux, se sont concentrés, et on a parlé dans la deuxième catégorie, se sont concentrés à ce qu'on appelle l'ascétisme. Et on a parlé du sens réel de l'ascétisme. Et dans la deuxième catégorie, ceux qui considèrent que la meilleure adoration, c'est l'ascétisme, et c'est le but en soi, eux voient que le plus important, et le but en soi, l'objectif à atteindre, c'est remplir son cœur de dévotion, d'évocation et des adorations. De sorte qu'ils ne veulent pas se laisser distraire par autre chose. Dans cette troisième catégorie, eux, ils considèrent que être utile pour les autres est mieux que Jama'iyat al-Qalb, que ce qu'on vient de citer précédemment. Et là, on a une bonne explication de l'auteur de Ifadat al-Mustafi dans le commentaire. Regardez ce qu'il dit dans l'explication de cette phrase. Qala ay an al-insan yukhalit an-nas wa yanfa'uhum wa yad'uhum anfa' min alladhi ya'taziluhum. Le cheikh, il dit, dans l'explication de ce passage qui est très pertinent et très important, il dit en vrai, l'individu qui se mélange, mais on va comprendre la nuance, il faut bien comprendre ce qu'il va dire. Celui qui côtoie les gens de sorte d'être profitable et utile pour eux est meilleur que celui qui s'isole. Que celui qui s'isole. قال فالناس إذا صاروا على أخطاء وعلى ذنوب ومعاصي يقول بعض الناس الأفضل لي أن أعتزل وأتركهم. الشيخ regardez, il nous donne l'exemple. Il dit certains, lorsqu'ils voient les autres, dans des péchés, plongés dans les péchés, dans les erreurs, fil marasi, wa dhunub, wa al-akhta, alors ils disent, c'est mieux pour moi que je m'isole. Lorsqu'ils voient les autres dans l'erreur et dans la désobéissance. Alors ils disent, afdal li, ana atazila wa atrukuhum. C'est mieux pour moi que ana atazila wa atrukuhum. Que je m'isole et que je les délaisse. Fahada fihi tafsil. L'auteur ici va nous dire, sur cette question-là, il y a nuance. Et donc détail. Détaillé à connaître. Il dit, إذا كان لا يؤثر في الناس ولا ينفع فهذا الأحسن له أن يعتزل. Dans ce cas-là, le shir dit, s'il sait qu'il n'est point profitable et n'a point d'utilité à accorder à un autre, il n'y a pas de profit et il n'aura pas d'influence et d'impact sur autrui. Il dit, dans ce cas-là, il est mieux de s'isoler. Il est mieux pour lui de s'éloigner, de s'isoler. أما إذا كان ينفع الناس ويدعو إلى الله ويبصر الناس فهذا الأفضل أنه يخالط الناس. Par contre, c'est lui. Il peut être profitable pour autrui. Et il peut appeler, enseigner les autres vers un bien, leur apprendre un bien. ويبصر الناس في هذا. Et il peut leur apporter une certaine clairvoyance concernant cela. Il dit pour lui, en ce qui concerne cette personne-là, c'est mieux pour lui-là de côtoyer et de ne pas s'isoler et d'être un bien pour les autres. Vous avez vu, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du meilleur des hommes. Il dit le meilleur des hommes, anfa'uhum, linnas, c'est celui qui est plus profitable pour les hommes. C'est-à-dire que celui qui peut accorder profit, et les savants après expliquent, celui qui peut apporter profit à autrui, que ce soit avec son rang, son statut social par exemple, avec ses biens, si Allah lui a accordé des biens, il a, mashallah, il a des biens, il est riche, il peut aider les autres. Ou une personne qui peut aider les autres avec son savoir, avec son ilm, ou une personne qui peut aider les autres avec certaines connaissances, ou autre, et bien cette personne-là, du fait qu'il soit profitable pour les autres, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est pour ça que cela, il ne faut pas le négliger. Et par contre, bien sûr, il risque de vivre et de connaître certains préjudices avec eux. Les gens vont te causer du tort parce que c'est la nature humaine. De causer du tort, tu ne peux pas vivre une vie où il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de tort et personne ne te cause du tort. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que le prophète en somme dit celui qui côtoie et qui patiente face aux torts et les préjudices qu'on lui inflige, alors lui c'est le meilleur. Lui c'est le meilleur. Parce que tu sais que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, regardez le shaykh ensuite, il continue. فَهَلَ الْعُزْلَ أَفْضَلْ أَمِ الْإِخْتِرَاتْ بِالنَّاسِ. Donc il dit, dans ces situations-là, quel est le meilleur ? S'isoler ou bien côtoyer, se mélanger ? نَقُولَ النَّاسِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا. Et c'est pour ça que Cheikh dit, les gens varient selon leur situation. فَالصِّنْفُ الثَّالِثُ هُمْ مَنْ يَقُولُونَ إِنَّ الْأَفْضَلَ لَعَمَلْ مَكَانَ نَفْعُ مُتَعَدِّيًا وَهَذَا صَحِيحُ وَوَاضِحُ. Donc comme on l'a dit, les gens varient selon cela. Celui qui sait qu'il peut être profitable pour autrui et faire un rappel, c'est mieux donc là qu'il patiente et qu'il soit un bien pour autrui. Celui qui sait qu'il n'a aucun impact en quelque sorte, il ne peut pas profiter. Et il sait qu'il y a un mal. Et il a peur pour lui. Il a peur pour son dîn, pour sa piété. Et Naram et Atazil. Naram et Atazil. Et ça fait penser au hadith de Hudayfa ibn al-Yaman. Lorsque le prophète en samedi, il y aura des prêcheurs aux portes dans l'enfer. Ceux qui le suivront, ils seront précipités. Du'atun ala bwa bi jahannam. Man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Et lorsque Hudayfa a interrogé le prophète sallam, Ya Rasulallah, sifhum lana, c'est qui ces gens? Qawmun min jidatina wa yatakallamun bi alsinatina, des gens de notre peau qui parlent notre langue. Et là, Hudayfa ibn al-Yamal, lorsqu'il dit, Fama tara in adrakani dhalik, qu'est-ce que tu vois si cela m'atteint, se produit à mon époque? Alors le prophète lui a dit, Ilzam jama'at al-muslimin wa imamahum, rejoins le groupe des musulmans et leur imam. Et s'il dit, s'il n'y a pas de groupe et il n'y a pas d'imam, alors il dit, fa'atazil. Tilka al-firaqa kullaha. Isole-toi de tous ces groupes et de toutes ces tendances. Kullaha. Comme il est dit dans le récit. Ila akhir al-hadith. Taïb. Et donc, concernant cette troisième catégorie, on a terminé cette troisième catégorie, qui considère que la meilleure action, c'est lorsqu'il y a profit pour autrui. C'est que l'adoration, il n'y a pas seulement le dévot ou sahib al-amal qui profite de celle-ci, mais le bien outrepasse sa propre personne. Il y a un bien, un profit pour autrui, comme on l'a dit précédemment, comme celui qui enseigne al-ilm, comme les grands ulama, les savants, al-ilm. Et là, les savants disent que cet avis est pertinent et cet avis est vrai et authentique. Maintenant, on passe à la quatrième. Et la quatrième catégorie concernant aussi la meilleure adoration, vous allez voir, c'est très pertinent cet avis-là. قال المصنف رحمه الله تعالى والصنف الرابع قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن وأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه واشتغال به والاشتغال به والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء قال والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو في من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن وقال والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقاء وإثار ذلك على الأوراد والخلوة والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من سلطان على ذلك والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو أفضل من الجهاد غير المتعين ثم قال والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء ثم قال المصنف رحمه الله والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك خلوتك وجمعيتك وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك ثم قال والأفضل وقت نزول نوازل وأذاء الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطهم خير فخلطهم خير من اعتزالهم وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد فمتى خرج أحدهم عن الفرع تعلق به من العبادة وفارقه قال فمات خرج أحدهم عن الفرع تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في التعبد بعينه يؤثر أو يؤثر على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله عز وجل وإن رأيت العلماء رأيتهم معهم وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحضوره هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا الحديث On va sur la lecture, c'était pour qu'on avance un peu dans la lecture du texte. On va reprendre donc maintenant la traduction et on reprendra en arabe lorsqu'on arrivera au hadith dont on a terminé la lecture en arabe, au hadith de Abu Bakr radiallahu ta'ala an. Cette quatrième catégorie, eux, et elle est très, la vie est très pertinente, et c'est une règle. Et là, c'est un grand rappel, c'est quelque chose de très important. Ils considèrent dans cette quatrième catégorie que la meilleure des adorations, على مرضات الرب سبحانه وإشغال كل وقت بما اقتضى ذلك الوقت ووظيفته c'est de considérer chaque adoration selon son temps. Il y a des adorations qui sont liées à un temps précis, qui sont liées à un moment précis. Donc chaque adoration par rapport à un moment précis a une importance particulière. Et ça va être ça, le rappel. Le rappel est immense, ça va être ça, le rappel. Par exemple, فَأَفْضَلِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِ الْجِيَادِ Par exemple, un pays est attaqué. Les familles sont dans l'insécurité. Et là, les gens du peuple ont peur pour leurs enfants, pour leurs familles, le pays est attaqué. À ce moment-là, وَقْتِ الْجِيَادِ, c'est ça qui est demandé. Et non pas de faire de l'évocation. C'est ce qui est demandé, c'est ce qui est dit ici. Et donc, délaisser à ce moment-là la prière de la nuit, là, le jeûne de la journée, pourquoi ? Parce que là, c'est l'insécurité. Et les gens ont peur. Donc, une autre adoration est légiférée en ces moments-là. Par exemple, où il dit « Afdal fi hudur ad-dayf ». Il dit, par exemple, au moment où la personne a des invités. Qu'est-ce qui est le meilleur ? De s'occuper de son invité. À ce moment-là, ce qui lui est demandé, c'est de s'occuper de son invité. Il dit « Wa afdalu fi awqat as-sahar ». Quel est la meilleure adoration, par exemple, dans les moments de nuit, la nuit par exemple, à ce moment-là, de se préoccuper à prier, à lire le Coran, à invoquer Allah, à faire des invocations, à l'évoquer, à faire des écrits. Ces moments-là de veiller, si vous voulez. Quelle est la meilleure adoration lors d'une veillée ? Eh bien, c'est de prier, c'est d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dit, quelle est la meilleure adoration, par exemple ? Lorsqu'il y a l'adhan, alors c'est de délaisser ce qu'on était en train de faire parmi les invocations, parmi l'évocation d'Allah, ce qu'on appelle l'awrad, si la personne était en train d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors là, à ce moment-là, lorsqu'il y a l'adhan, c'est délaisser cela. Pourquoi ? Parce qu'au moment de, entre l'adhan, qu'est-ce qu'il faut faire ? Délaisser ce qu'on est en train de faire et répéter à ce moment-là, ce qui est demandé, c'est de répéter ce que le mot adhan dit. Ensuite, lorsqu'on attend entre l'adhan ou l'iqama, ce qui est demandé à ce moment-là, c'est d'invoquer, faire dua, invoquer Allah Azza wa Jal. Si une personne, par exemple, à ce moment-là, il ouvre le Coran et commence à réciter le Coran, on lui dira à ce moment-là, le prophète nous enseignait que c'est un moment que les invocations sont mustajab. ces moments de doa. Donc chaque moment, les adorations sont propices. Et l'auteur va citer de nombreux exemples. Par exemple, lorsqu'une personne est dans le besoin, alors il faut aller dans l'entraide d'autrui et d'aider cette personne qui est en le besoin. La personne, par exemple, qui est en voyage, le fait d'aider les gens qui l'accompagnent, qui sont dans son groupe, le fait de les aider, s'il y en a qui ont besoin d'aide, d'être à leur écoute, ça, à ce moment-là, c'est ce qui est meilleur. Donc, c'est lié au moment. Et ensuite, je vais vous lire une règle très importante à apprendre concernant cela. Allah, come on, Allah, come on. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضل أبعث محمدا الذي وعدت طيب donc on continue, on termine inshallah. Donc je pense ici que vous avez pu comprendre que cette catégorie-là considère que la meilleure adoration, elle est liée au moment. Elle est liée au moment. Et donc dans son commentaire, Cheikh Abdelrazak al-Abed, Hafidhahullah, enseigne une très belle parole. Il dit on peut la considérer comme une règle d'or. Il dit « qa'idatun zahabiyya ».« Qa'idatun zahabiyya ». Je vais vous répéter cette règle comme il l'a dit. Et ceux qui veulent l'écrire, et l'apprendre. Donc, qa'idatun zahabiyya. Yaqul, lorsqu'il explique ce passage, puisqu'il a un très beau commentaire, Cheikh Abdelrazak, de ce livre, beaucoup de savants l'ont commenté. Donc, vous pouvez trouver le commentaire de Cheikh Abdelrazak, vous pouvez trouver le commentaire de l'auteur qu'on a dit, Ifadat al-Mustafid, vous avez un commentaire de Cheikh Anan, aussi un commentaire, mashallah, de Cheikh Mohamed Amadjami, et d'autres grands savants qui ont commenté le livre. Donc selon les catégories, vous pouvez toujours vous référer à ces commentaires pour avoir plus de détails. Et là, lui, Cheikh Abdelrazak va enseigner une parole en disant « Et de cette catégorie-là, on peut, il dit, comprendre une règle. » Et il dit qu'on pourrait appeler une règle d'or. Une règle d'or dans le sujet. « Qaidatun zahabiyya » في معرفة أفضل العبادة في كل وقت والأفضل من العبادات في كل وقت الأوفاق للسنة في ذلك الوقت. Il dit comme ça, je vous la répète. Alors il dit قاعدة ذهبية في معرفة أفضل العبادة. قاعدة ذهبية في معرفتي أفضل العبادة في كل وقت. الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذا ce qu'il dit. الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق. الأوفق للسنة في ذلك الوقت. Regardez, il dit, en d'autres termes, en français, pour une traduction relative, une règle d'or concernant la connaissance de la meilleure adoration selon le moment. Selon le moment. Il dit, la règle, c'est la meilleure adoration selon le moment, c'est celle qui est en coïncidence ou cohérence avec la sunna du prophète. Al-Awfaq, c'est celle qui convient mieux. Celle qui convient mieux. Qui est le plus en cohérence avec la sunna du prophète sallam à ce moment bien précis. À ce moment bien précis. Je vous la répète en arabe. Al-afdalu min al-ibadat fi kulli waqt al-awfaq. Al-awfaq. Vous avez vu, c'est le superlatif. Lorsqu'on dit hadha muwafiq. Muwafiq, ça c'est en accord avec telle et telle chose. Là, c'est le superlatif. Ismun tafdil al-awfaq al-ahsan al-afdal. Al-Aqwa, vous avez vu le superlatif ? Al-Awfaq, ça vient de ce terme-là. Al-Muwafiq, ce qui est Muwafiq, qui correspond. Ou plutôt, voilà, dans la traduction, on mettait plutôt le terme qui correspond. La meilleure adoration, sans le long temps, c'est celle qui correspond le mieux, pardon. C'est celle qui correspond le mieux. J'avais dit tout à l'heure, celle qui est le plus en cohérence, en conformité. Le terme plus adéquat, c'est celle qui correspond le mieux à la sunna. En ce moment bien précis. À ce moment bien précis. Ça, c'est la meilleure adoration. Il dit. Donc, Al-Afdal min al-Ibadat fi kulli waqt al-Awfaq li sunnati fi dhalika al-Waqt. Fi dhalika al-Waqt. C'est pour ça que les savants ils disent par exemple au moment, idha hana waqt al-Adhan wa adhana al-Mu'adhin wa adhana al-Mu'adhin lis-Salah. فبين الأذان والإقامة الاشتغال بالدعاء المطلوب في هذا الحين الاشتغال بالدعاء الاشتغال بالدعاء أفضل من تلاوة القرآن مثلا وفي وقت آخر تلاوة القرآن أفضل في بعض المناسبات وفي وقت آخر وفي وقت لاحق قراءة القرآن وتلاوة القرآن قد تكون أفضل لكن بين الأذان والإقامة فالأفضل الدعاء ولذلك قال العلماء ما بين الأذان والإقامة مثلا الأفضل الاشتغال بالدعاء أفضل من تلاوة القرآن لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء في هذا الوقت فأفضل العبادات العبادة التي تكون أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم في ذلك الوقت في ذلك الوقت وتلاوة القرآن لا تفوت بل لها وقت مطلق تلاوة القرآن لها وقت مطلق فتقرأه في أي وقت في أي وقت شئت في أي وقت شئت تقرأ كتاب الله وتتلو كتاب الله لكن بين الأذان والإقامة وقت دعاء لأن الدعاء لا يرد في ذلك الوقت وتلاوة القرآن لا تفوت بل لها وقت مطلق تقرأه في أي وقت لكن هذا الذكر إذا فات وقته فاتت فضيلته ولذلك أدل هذه المناسبة الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة إذا فات هذا الوقت فات المناسبة وفضيلة الذكر في هذا الوقت ولذلك المسلم ويشتغل يشتغل بما هو أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في ذلك الوقت مثلا إذا عكف الإنسان إذا كان في عرفة في الحج فيوم عرفة يوم دعاء فهو في وقوف إذا وقف في عرفة في الحج في ذلك اليوم ماذا طلب من أن يدعو الله عز وجل وأن يكون مجتهدا في الدعاء و هو يصلي في الأوقات أوقات الصلاة في وقت الظهر والعصر وصلاة المغرب فيما بعد يصلي في أوقاتها لكن دونها فالفضل كما أوصنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فيكثر من الدعاء في عرفة في يوم عرفة إذا كان واقفا في عرفة فهناك مناسبات كذلك كما قلنا بين الأذان والإقامة في وقت السفر كذلك المسافر يخدم زملائه يخدم الزملاء والرفقاء في هذا السفر فالأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت مثلا للمسافر أن يخدم أن يكون في خدمة زملائه أن يكون في خدمة زملائه وإخوانه قال الشيخ في إفادة المستفيد اسمعوا وركزوا على هذا الكلام يقول فكون المسافر يخدم زملائه وإخوانه الأفضل من كونه يجلس للذكر وتلاوة القرآن إذا كنت مثلا مسافرا مع حملة من حملات مثلا في الحج أنت في حملة وهناك شيوخ وكبار وأنت ما شاء الله مرتاح وأنت ما شاء الله شاب على صحة وعافية والناس محتاجين بمساعدتك فأنت تساعد الناس وتبادر بمساعدة الناس وقضاء أحوال وحوائج الناس أنت تبادر إلى هذا العمل لأنه أوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وهكذا صاحب العلم فقال الشيخ كون المسافر يخدم زملائه وإخوانه أفضل من كونه في ذلك الوقت في هذا الحين والحال أن يجلس للذكر وتلاوة القرآن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في الأسفر في آخر الركب يتفقد المحتاج والمنقطع كما قلنا بين الأذان والإقامة فالأفضل الدعاء لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه لا يرد الدعاء في هذا الوقت والدعاء بين الأذان والإقامة أفضل من تلاوة الكتاب أفضل من تلاوة القرآن مثلا كما قيل بين الأذان والإقامة الاشتغال بالدعاء أفضل من تلاوة القرآن لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وتلاوة القرآن لا تفوت بل لها وقت مطلق تقرأ القرآن في أي وقت شئت تقرأ كتاب الله عز وجل ولذلك لا ننسى هذه القاعدة الذهبية وأردد هذه القاعدة قال العلماء الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هذه قاعدة ذهبية وهذه تحفظ وقالها كما قلت لكم شيخ عبد الرزاق العباد في شرح هذا الكلام ولذلك قال العلماء في الصنف الرابع الأفضل أو أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وتعالى والإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فمثلا في وقت حضور الضيف فالأفضل القيام بحقه والاشتغال له إذا كان عندك ضيف فالأفضل في ذلك الوقت القيام بحقه والاشتغال به وكذلك الأفضل في أوقات السحر مثلا ما هو الأفضل؟ أنك تكون مشتغلا بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء فتحفظ هذه القاعدة الأفضل ونحفظ هذه القاعدة الأفضل من العبادات في كل وقت الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت هذه قاعدة ذهبية نكتفي بهذا القدر Je voulais évoquer une question qu'on essaiera de remettre à demain Beaucoup de gens posent la question sur Et comme ça vous pourrez enseigner à beaucoup de gens dans d'autres mosquées Il y a beaucoup de gens puisqu'on est en période d'hiver Et lorsqu'ils rentrent à la mosquée Il y a des gens pour cause de travail Ils rentrent par exemple c'est Salat al-Maghrib Ou bien Salat al-Isha Et ses prières d'avant il ne les a pas faites Wa idaja ودخل المسجد يرند على المسجد يتروف ان الامام va prier par exemple العصر et lui n'a pas fait de Zohr. Ou bien l'imam il va prier le Maghreb et lui il n'a pas fait de Zohr, voilà Asr. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Mada yaf'al? Alors on expliquera cela, Inch'Allah, fi yawmi ghad. Fi yawmi ghad. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.